pense me connaître, mais voilà que tu te trompes. Dans ma tête, on est deux. Maître Cohen me conseille à ma droite, mon avocat est juif, elle me parle en hébreu. God. Y'a que pour prier qu'on a posé les armes. Power, ouais. Y'a que pour prier qu'on a posé les armes. Pouscapé. Y'a que pour prier qu'on a posé les armes. Bah ouais, ouais. Pouscapé sombre. God. Sur ce son, je les baise, je ne vais pas me gêner. J'entends des voix bizarres quand je suis chez moi. Non, mes démons ne sont pas enchaînés. On a sorti les armes et t'as parlé chinois. Non, ne pleure pas tous tes frères partis. Porte tes couilles et qu'on va les venger. Traîne avec moi, ne fais pas le fragile. Quand tu sors le calibre, les mecs veulent se ranger. Sur la A7, j'ai transporté des kills. Pas besoin d'ouvreuse, moi je suis pas ton équipe. Je te souhaite la mort, que le Seigneur me guide. Nique ton amour, je ne sors pas de ton ventre. Grâce à Dieu, maman est toujours vivante. Dis-leur pas qu'ils ont les connaît par cœur. Leur amitié dépendra au nombre de nos ventes. Rends-moi mes thunes, paye tes dettes. Mets-nous le feu, mec, on viendra t'éteindre. Pense à ta mise, fais pas le bête. Je suis comme Dika, moi je ne fais pas de tête. Dieu soit loué, nos liens sont noués. Pour quelques salopes, on va pas s'allumer. La police nous voulait, t'as voulu avouer. T'es un enfant de pute, viens pas me saluer. Rafale dans un bar, Herbel gang est gravé sur les balles. Je suis venu tout prendre, dorénavant. Je ne m'en irai moi qu'à la fin du bal. J'suis un abat, j'suis un abat. Vaillant et fier des comme nous y'en a pas. J'habite en France, des vacances en Espagne. J'ai de la famille posée à Agneba. Je suis venu récupérer le trône. On ne pourra pas recoudre les trous. J'ai pas le temps moi de vous faire du gomme. Chaque jour que je fais gros, le chétan m'éprouve. Mes anciens amis ne sont plus là. Ben ouais, le succès met du temps à venir. Je reçois des appels du capot des capis à Londres. On m'a dit qu'off tu vas les finir. Tu penses me connaître mais voilà que tu te trompes. Dans ma tête on est deux. Maître Cohen me conseille à ma droite. Mon avocat est juif, elle me parle en hébreu. Y'a que pour prier qu'on a posé les armes. Power, ouais. Y'a que pour prier qu'on a posé les armes. Pouscapé. Y'a que pour prier qu'on a posé les armes. Bah ouais, ouais. Pouscapé sombre, coffre.